Des pains pour la rose boudou, sous la mia, se tchauye, idia sama roja me diava, mato mouria, vele desima roja va me. Enseignement par le vénérable Sayadaw Ukundala Bivamsa. L'enseignement portera sur la façon dont il faut procéder pour noter dans les activités quotidiennes. Comme vous le savez, il y a trois façons de pratiquer la méditation. En posture assise, en marche et dans les activités quotidiennes. Notez les activités quotidiennes. Consiste à noter dans un premier temps l'intention. Lorsqu'ils auront médité en posture assise pendant une heure ou qu'ils auront écouté un enseignement, le méditant éprouvera le besoin de se lever. Il ne doit cependant pas se lever de façon précipitée. Il faut qu'il observe très attentivement et il verra dans son esprit l'intention de se lever. Il doit alors noter cette intention de se lever. Le mouvement physique va alors se produire et il doit noter le mouvement, il doit prendre conscience de son corps qui se met dans la posture debout. Lorsqu'il note ce mouvement, le méditant doit essayer de ne pas se concentrer sur l'idée, le concept du corps qui se met dans la posture debout. Il ne faut pas observer l'apparence extérieure, l'apparence matérielle du corps. Lorsqu'on observe le fait de se lever, il ne faut pas observer les concepts, car dans Vipassana, on se concentre sur la nature réelle, sur la sensation de mouvement progressif de redressement du corps. Ce mouvement, c'est la réalité ultime, la nature. Il faut que l'observation soit très précise de façon à voir les différentes étapes de ce mouvement. Si vous réussissez à vous concentrer sur le mouvement, sur la sensation d'élévation, c'est-à-dire sur la réalité ultime, si vous réussissez à vous désolidariser de la forme extérieure, du concept, et si vous réussissez à noter les différentes étapes de ce mouvement vers le haut, vous expérimenterez une sensation grandissante de légèreté qui accompagne ce mouvement vers le haut. Tout cela sont des expériences que vous allez faire directement par vous-même. Ce sont des réalisations. Expérimenter la légèreté, c'est expérimenter l'élément feu et l'élément air. Tejo et Vayo. Tejo Dhatu, l'élément feu, est un élément de chaleur, de gaz, de légèreté. Vayo Dhatu est un élément d'air, un élément de légèreté également. À ce stade, vous avez donc expérimenté deux des quatre grands éléments, le feu et l'air. Un méditant qui a réussi à avoir l'intention et ensuite le mouvement physique qui suit cette intention peut conclure par lui-même qu'il a réalisé deux des étapes de connaissance vipassana. Lorsqu'il voit l'intention de se lever, il voit un processus mental, un processus qui appartient à l'esprit. Lorsqu'il voit le mouvement du corps, il observe un processus matériel dépourvu de conscience, un processus qui appartient à la matière. Même si conventionnellement, on dit « je me lève », dans l'acte de se lever, il n'y a en réalité qu'une suite de phénomènes physiques et mentaux. Ce « je » qui se lève n'est qu'une convention, un concept que l'on utilise pour pouvoir communiquer. En réalité, il n'y a personne qui se lève, il n'y a qu'une suite de phénomènes mentaux et de phénomènes physiques. En voyant donc l'intention et le mouvement qui suit l'intention, le méditant réalise qu'il n'y a qu'une suite de phénomènes. Il fait la différence entre les phénomènes physiques et les phénomènes mentaux. Et il a franchi ainsi la première connaissance vipassana, la connaissance analytique de nama et de rupa. En comprenant ainsi, par expérience directe, que dans l'action de se lever, il n'y a que des processus physiques et des processus mentaux en interaction, le méditant dépasse le concept de la personnalité. En abandonnant la croyance en la personnalité, il établit le fondement de sa pratique et ferme ainsi définitivement les portes des mondes inférieurs. Le méditant va également réaliser que si le mouvement de redressement a lieu, c'est parce qu'il y a eu au préalable l'intention de se redresser. Sans cette intention, le mouvement n'a pas lieu. Il comprend que l'intention de se lever est la cause, que le mouvement de redressement est l'effet. Dans l'action de se lever, il n'y a que des processus physiques et mentaux en interaction. Expérimenter ainsi les causes et les effets, c'est réaliser la deuxième connaissance vipassana, appelée la connaissance des causes et des effets. On parle parfois de la loi de causalité. Le méditant qui arrive à ce deuxième stade de connaissance vipassana, qui discerne donc les causes et les effets, est reconnu dans les Écritures comme étant un Chula Sotapanna, un vainqueur du courant junior. Un méditant qui en est arrivé là est fermement établi dans l'enseignement du Bouddha. Il ne faut plus craindre pour lui. Il a expérimenté la loi de cause et d'effet. Il sait que lorsque la cause est bonne, l'effet est bon, que lorsque la cause est mauvaise, l'effet est mauvais. Il va s'efforcer de maintenir son esprit pur, sachant qu'un esprit pur est la cause pour des actes et des paroles purs. Les actes et les paroles purs sont elles-mêmes la cause pour des effets positifs. D'autre part, ce méditant sait qu'un esprit négatif amène à des paroles et à des actes négatifs, que des actes et des paroles négatives ont pour conséquence des effets négatifs. Ayant expérimenté par lui-même les causes et les effets, ce méditant n'est plus victime de l'agitation, il connaît la loi de cause et d'effet et est fermement établi dans l'enseignement du Bouddha. C'est ce qu'expliquent les commentateurs. Un tel méditant ne doit plus craindre l'avenir. Il reprendra naissance soit dans le plan humain, soit dans les plans célestes, soit dans les plans de Brahma. Il ne court plus le risque de reprendre naissance dans les plans inférieurs. Il est devenu, selon les commentateurs, un Chula Sotapanna. Ceci termine l'explication portant sur la façon dont il faut noter lorsqu'on passe à la posture debout, en notant tout d'abord l'intention et ensuite le mouvement physique. Nous allons parler maintenant de la façon dont il faut noter lorsqu'on marche. Un méditant qui se trouve dans la posture debout va à un moment donné ou à un autre envisager de marcher. Avant de se mettre en marche, il doit observer avec précision son esprit. Il y verra l'intention de marcher. Il doit alors noter cette intention de passer à la marche. Lorsqu'il notera l'intention de marcher, il verra l'élément air associé à cette intention qui va exercer une poussée du corps vers l'avant. Il note ensuite les différentes phases du pas. S'il fait une note à chaque pas, il note simplement gauche-droite. S'il fait deux notes à chaque pas, il note levé-abaissé. S'il fait trois notes à chaque pas, il note levé-avancé-abaissé. S'il réussit à avoir l'intention de marcher et ensuite les différents mouvements de la marche, le méditant peut conclure par lui-même qu'il a atteint les deux premières étapes de connaissance vipassana. En effet, l'intention qui précède le mouvement est un processus mental qui appartient à l'esprit. Le mouvement du corps est un processus physique qui appartient à la matière. Ce processus physique est dépourvu de conscience. Dans l'action de marcher, il n'y a jamais que des processus physiques et des processus mentaux qui sont impliqués. Personne ne marche, il n'y a pas de « je », aucune personnalité qui est impliquée dans ce processus. Même si, conventionnellement, on utilise ces notions pour se faire comprendre. En réalité, il n'y a que des processus qui se succèdent, il n'y a pas de personnalité qui marche, il n'y a pas de « je » qui marche. Le méditant comprend par expérience la différence entre les processus physiques et les processus mentaux. Il a la connaissance analytique de l'esprit et de la matière. C'est la première connaissance vipassana. D'autre part, le méditant a réalisé que si l'intention n'est pas présente, le mouvement n'a pas lieu. Il comprend que l'intention est la cause et que le mouvement qui suit est l'effet. Dans l'action de marcher, il voit qu'il n'y a que des causes et des effets. Expérimenter ainsi les causes et les effets, c'est la deuxième connaissance vipassana. Le méditant sait qu'il a atteint la deuxième connaissance vipassana. Le méditant va alors passer à la station debout. À un moment donné, il aura le désir d'arrêter sa marche. S'il observe attentivement, il verra dans son esprit l'intention de s'arrêter et de passer à la posture debout. Il verra l'élément air associé à cette intention pousser le corps dans la posture debout. Lorsque la posture debout apparaît, il note « se tenir debout ». De nouveau, il doit éviter de se concentrer sur l'apparence extérieure du corps, sur le concept. Il doit essayer de percevoir la sensation de rigidité, de tension qui résulte de la poussée provoquée par l'élément air. C'est cette sensation de rigidité, de tension qui est la réalité de la posture debout. La forme extérieure n'est qu'une conceptualisation. Dès le moment où le méditant a réussi à avoir l'intention de se tenir debout, on peut dire qu'il a réalisé les deux premières étapes de connaissance vipassana. En effet, l'intention de se tenir debout est un processus mental, c'est ce qui est conscient, alors que la posture elle-même est un processus matériel dépourvu de conscience qui appartient à la matière. Le méditant voit que dans le fait de se tenir debout, il n'y a en réalité que des processus physiques et des processus mentaux, que personne n'est là pour se tenir debout. Il n'y a pas de « je », pas de personnalité impliquée dans cette action. Ce « je » n'est qu'un concept qu'on utilise pour pouvoir communiquer. En réalité, il n'existe pas, il n'y a que des processus physiques et mentaux. Le méditant comprend ainsi analytiquement les phénomènes physiques et les phénomènes mentaux. D'autre part, ce méditant réalise qu'à cause de l'intention, la posture debout apparaît. S'il n'y avait pas l'intention, la posture debout n'apparaîtrait pas. Il comprend que l'intention est la cause et que la posture debout est l'effet. Dans le fait de se tenir debout, il n'y a qu'une série de causes et d'effets. C'est ainsi que le méditant réalise les causes et les effets. Il sait qu'il a franchi la deuxième étape de connaissance vipassana. Un méditant qui a déjà construit son samadhi pourra voir au moment où il s'apprête à s'asseoir l'intention de s'asseoir qui est présente dans son esprit. Il doit alors noter cette intention. Lorsqu'il aura noté l'intention, il verra apparaître l'élément air associé à cette intention qui pousse le corps dans la posture assise. Il note alors s'asseoir, s'asseoir. Au moment où il observe le corps dans la posture assise, il doit se désolidariser de l'apparence extérieure du corps, de la tête, des membres. Il doit éviter de conceptualiser. Ce qu'il doit faire, c'est observer avec beaucoup d'attention la sensation graduelle de mouvement vers le bas du corps. Il doit essayer d'observer ce mouvement étape par étape à l'instant même où le mouvement a lieu. C'est donc le mouvement graduel vers le bas qu'il doit observer lorsqu'il note « s'asseoir, s'asseoir ». S'il réussit à se désolidariser de l'apparence extérieure du corps, s'il réussit à percevoir le mouvement graduel vers le bas, et s'il réussit à noter dans l'instant présent les différentes étapes de ce mouvement vers le bas, le méditant verra à chaque note mentale une sensation grandissante de lourdeur associé à ce mouvement vers le bas. Lorsqu'il expérimente ainsi la lourdeur, il expérimente l'élément terre, en pali patavidatu, c'est un élément de dureté, de lourdeur. C'est également expérimenter l'élément eau, en pali apodatu, un élément de cohésion, un élément de lourdeur également. Le méditant expérimente ainsi les deux autres grands éléments. L'intention de s'asseoir est un processus mental, c'est ce qui est conscient. Le mouvement qui consiste à s'asseoir est un processus matériel dépourvu de conscience. Le méditant voit que dans l'action de s'asseoir, il n'y a que des processus physiques et des processus mentaux qui sont impliqués. Il fait ainsi, directement par lui-même, la différence entre l'esprit et la matière. Il a la connaissance analytique de Nama et de Rupa. Il sait qu'il a réalisé cette première connaissance vipassana. D'autre part, il sait que c'est l'intention qui amène le mouvement vers le bas. Sans l'intention, la posture assise ne se manifestera pas. Il comprend que l'intention de s'asseoir est la cause, le mouvement du corps est l'effet. Comprendre ainsi les causes et les effets, c'est réaliser la deuxième connaissance vipassana, la connaissance des causes et des effets. Le méditant sait qu'il a réalisé cette deuxième connaissance vipassana. Lorsque le corps s'abaisse, le méditant expérimente la lourdeur qui est associé au mouvement vers le bas. Il expérimente ainsi l'élément terre et l'élément eau. Lorsqu'il expérimente ainsi les éléments, il expérimente la réalité, la nature. Il faut savoir que ce n'est que à cette condition que le méditant pourra voir les apparitions et les disparitions. Udaya Baya ne peut être vu que si on observe la réalité. Plus sa concentration s'approfondit, plus le méditant voit la lourdeur qui est associée à ce mouvement vers le bas. et il pourra décomposer ce mouvement vers le bas de façon de plus en plus détaillée. Sa concentration va se renforcer, devenir plus puissante et plus mûre, et bientôt il verra que ces différentes étapes d'abaissement ne s'inscrivent pas dans un flux. Ce sont différents segments qui apparaissent et disparaissent continuellement. Un premier segment apparaît, disparaît, vient ensuite un deuxième segment qui apparaît et disparaît, et ainsi de suite. Vous voyez ainsi les apparitions et les disparitions de tous ces segments, de toutes ces étapes d'abaissement. Votre connaissance des apparitions et des disparitions mûrit, en pali, on parle de Udaya Baya Jnana. Nous allons maintenant parler de la façon dont il faut noter lorsqu'on passe de la posture assise à la posture couchée. Les méditants qui ont déjà une bonne base de samadhi et qui envisagent de passer à la posture couchée pourront voir dans leur esprit l'intention de se coucher. Ils ne verront cette intention que s'ils observent avec précision. Si l'observation est superficielle, il n'est pas possible de voir l'intention. Il faut savoir que ils se sont couchés un nombre incalculable de fois au cours de leur existence sans jamais être attentifs. S'ils veulent voir l'intention, il faudra donc qu'ils observent avec précision. Dès que cette intention leur apparaît clairement, ils doivent la noter. Intention de me coucher. L'élément air associé à cette intention va alors pousser le corps dans la posture couchée. Lorsque le corps est couché, le méditant note « couché, couché ». Si vous avez réussi à voir l'intention de vous coucher, vous pouvez conclure que vous avez franchi deux étapes de connaissance vipassana. L'intention de se coucher est un processus mental, c'est ce qui est conscient. La posture couchée est un processus physique qui appartient à la matière. Il est dépourvu de conscience. Vous réalisez que dans l'action de se coucher, il n'y a que deux choses qui sont impliquées, des phénomènes physiques et des phénomènes mentaux, même si on dit « je me couche ». Ce terme « je » est un concept qui n'est utilisé que pour la commodité. En réalité, personne ne se couche, aucun « je » n'est impliqué dans cet acte. Ce n'est qu'une suite de processus physiques et de processus mentaux. Le méditant réalise ainsi la première connaissance vipassana, la connaissance analytique de nama et de rupa. Il sait qu'il a expérimenté cette première connaissance vipassana. D'autre part, il comprend que sans intention, la posture couchée ne va pas apparaître. L'intention est la cause, la posture couchée est l'effet. Le méditant comprend que l'action de se coucher n'est qu'une succession de causes et des effets. Il réalise ainsi la deuxième connaissance vipassana, la connaissance des causes et des effets. Il peut conclure par lui-même qu'il a franchi cette deuxième connaissance vipassana. Je vais maintenant vous expliquer comment vous devez noter au moment où vous prenez votre repas. Lorsque vous vous mettez à table et que vous voyez la nourriture, vous devez noter, voir. Vous devez ensuite prendre conscience du fait que vous prenez la cuillère en main. Lorsque vous touchez la nourriture, vous devez noter toucher. Lorsque vous disposez la nourriture sur la cuillère, vous notez disposer. Vous portez la nourriture à la bouche et vous notez « porter la nourriture ». Vous penchez la tête et vous notez « pencher la tête ». Vous ouvrez la bouche, vous prenez conscience du fait d'ouvrir la bouche. Vous déposez la nourriture dans la bouche et vous notez « déposer ». Vous redressez la tête et vous prenez conscience de ce geste. Vous mâchez et vous notez mâcher. Vous reconnaissez le goût et vous notez reconnaître. Vous avalez et vous notez avaler. C'est ainsi que le vénérable Mahasi Sayadaw recommandait à ses élèves de noter au moment du repas. Au début, ce n'est pas facile de noter tous ces mouvements, mais ne vous découragez pas. Votre concentration va s'approfondir et vous noterez de plus en plus facilement. Ne vous en faites donc pas si vous ratez beaucoup de ces mouvements. Pour l'instant, focalisez-vous sur le mouvement qui vous paraît le plus manifeste. Par exemple, si c'est le fait d'avancer la main pour prendre la nourriture qui vous semble le geste le plus évident, contentez-vous de ne noter que ce mouvement. Si c'est le fait de pencher la tête qui vous semble le plus évident, ne notez que ce mouvement-là. Mais vous devez essayer de le noter chaque fois qu'il a lieu. Pour tester la qualité de l'observation de ses étudiants, le vénérable Mahasi Sayadaw avait l'habitude de leur demander quelle était la mâchoire qui bouge lorsqu'on mâche. Certains étudiants répondaient que c'était la mâchoire supérieure, d'autres répondaient que c'était la mâchoire inférieure, d'autres enfin répondaient que c'était les deux mâchoires qui bougeaient au moment où l'on mâche. En réalité, ce n'est que la mâchoire inférieure qui bouge lorsqu'on mâche. Vous allez continuer à pratiquer de cette façon et progressivement vous deviendrez capable de noter chaque fois le mouvement lui-même et la conscience de ce mouvement. Vous ferez la différence entre le mouvement physique, qui est un phénomène dépourvu de conscience, qui appartient à la matière, et la conscience de ce mouvement, qui est un phénomène mental qui appartient à l'esprit. Vous verrez distinctement d'une part l'objet et d'autre part la conscience de cet objet. Vous comprendrez que dans le mouvement qui consiste à mâcher, il n'y a jamais que des processus physiques et des processus mentaux qui sont impliqués. Votre concentration va encore s'approfondir et vous verrez bientôt que s'il y a la conscience de l'objet, c'est parce que l'objet s'est présenté dans un premier temps. Réalisez ainsi que le phénomène physique, c'est la cause, et que la conscience de ce phénomène physique est l'effet, c'est réaliser la deuxième connaissance, vipassana, les causes et les effets. Ainsi, lorsque vous notez au moment où vous prenez votre repas, vous pouvez arriver à franchir ces deux premières étapes de connaissance vipassana. Un méditant qui a franchi ces deux premières étapes de connaissance vipassana est un Chula Sotapanna, un vainqueur du courant junior, selon les commentateurs. Ici se termine l'enseignement qui portait sur la façon dont il faut noter dans les activités quotidiennes et plus particulièrement en posture assise, en posture debout, en marche et au moment où vous prenez votre repas, en commençant par prendre conscience de l'intention. Puissiez-vous tous méditer selon ces instructions et atteindre rapidement le Nibbana, la cessation de toute souffrance, en franchissant rapidement et sans difficulté toutes les étapes de connaissance. ไนนาชินจาบวมยาอุทุมไหงยาติเมโดโนสิยตองดาเตยามิยะเมโดโกพุทธกะเตอิญญะยาผิดะนิพพานสันดาโกเวกุรอจินทิเยญญะวาเสยาวีนะมอกุนไหงยาบาลีโกนตรี Sadhu, sadhu, sadhu.